Colossiens chapitre 2. Or je veux que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont point vu ma présence en la chair. Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité, et dans toutes les richesses d'une pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de notre Dieu et Père, et de Christ, en qui se trouvent tous les trésors de sagesse et de science. Or je dis ceci, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car quoique je sois absent de corps, toutefois je suis avec vous en esprit, me réjouissant, et voyant votre bon ordre, et la fermeté de votre foi, que vous avez en Christ. Comme donc que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et édifiés en lui, et fortifiés en la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne vous gagne par la philosophie, et par de vains raisonnements, conforme à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non point à la doctrine de Christ. Car toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement, et vous êtes rendus accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance, en qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, étant enseveli avec lui par le baptême, en qui aussi vous êtes ensemble ressuscités par la foi de l'efficace de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses, et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, et nous était contraire, et laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Que personne donc ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, ou pour la distinction d'un jour de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats, lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps en est en Christ. Que personne ne vous méprise à son plaisir par humilité d'esprit, et par le service des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé du sens de sa chair, et ne retenant point le chef, duquel tout le corps, étant fourni et ajusté ensemble, par les jointures et les liaisons, croît d'un accroissement de Dieu. Si donc vous êtes mort avec Christ, quant aux éléments du monde, pourquoi vous charge-t-on d'ordonnances, comme si vous viviez au monde? Savoir, ne mange, ne goûte, ne touche point, qui sont toutes choses périssables par l'usage, et établies suivant les commandements et les doctrines des hommes, et qui ont pourtant quelque apparence de sagesse en dévotion volontaire, et en humilité d'esprit, et en ce qu'elles n'épargnent nullement le corps, et n'ont aucun égard au rassasiement de la chair.